Section 12 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 12. L'infinitif. Arrive Mademoiselle Charlotte, une des grandes amies qui ont révélé l'existence de la faiseuse de mode. On lui apprend d'une voix triomphante qu'on connaît les autres, les modes du verbe. Je mange des bonbons, mange des bonbons, je veux que tu manges des bonbons. « Je veux bien aussi, » dit Charlotte, et la maman lui en donna pour ne pas faire de jalouse. Mademoiselle Lily étale ses connaissances. Trois personnes, trois temps, trois modes, tout va par trois dans le verbe. Charlotte est une jeune personne très instruite. « Manger des bonbons ? » s'écrie-t-elle la bouche pleine. « Qu'est-ce que c'est ?» Voilà un mode qu'on ne connaissait pas. Il s'appelle l'infinitif. Celui-là, c'est tout simplement l'action elle-même, désignée par son nom, sans dire par qui elle a été faite, ni quand. Il y en a un exemple dans la jolie fable de La Fontaine, le savetier et le financier. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. Dormir, manger et boire, qui s'emploient ici comme des noms, sont des infinitifs, un nom qu'on t'expliquera plus tard avec ceux des autres modes. Mademoiselle Lily a un peu de peine à se faire entrer tout cela dans la tête, mais c'est une fille d'esprit. L'infinitif entrera. Fin de la section 12, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.